Comment prouver aux détracteurs de l'évolution que celle-ci est bien réelle lorsqu'il faut attendre plusieurs générations avant de voir ses effets se déployer? Est-il possible de voir l'évolution à l'œuvre en laboratoire directement sous nos yeux sans attendre des siècles? Et si oui, comment? Eh bien, la réponse est oui, mais il faut beaucoup de fioles et un énorme congélateur. Marco nous explique ce soir la géniale expérience de Lenski. Nous sommes le jeudi 10 mai et c'est l'épisode 85 de Podcast Science. Bienvenue à toutes et à tous. Salut tout le monde, professeur Fon aux commandes, alias Alan, avec ce soir à mes côtés deux amis, Marco déjà qui va nous présenter le dossier. Salut Marco. Salut Alan. Et c'est le grand retour de Franck. Salut Franck. Salut Marco, salut Alan. Très content de revenir. Bah, ça nous fait drôlement plaisir de te retrouver. Excellent, bienvenue. Ouais, tu nous avais manqué, ça fait longtemps. Ouais, ça fait près de 2 mois sans podcast science, ça m'a manqué aussi. Ouais, ça Donc je fait suis même un peu impatient. plus à mon avis. Ah, ça fait combien? Ouais, Oh, un petit enfin, peu plus l'essentiel, peut-être. c'est que tu sois là, c'est top. Cette fois, on ne te laisse plus partir, on te garde. Ok. Et donc, Marco, tu vas nous parler de l'expérience de Lenski. On Ok, t'écoute. donc voilà, donc je vais vous parler d'une expérience en fait qui met en scène la bactérie Escherichia coli. Alors je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette bactérie, au moins dernièrement, lors de certains cas d'intoxication alimentaire par certaines souches. C'était surtout en France, donc je sais pas si toi, Alan, en Suisse, vous avez eu écho de ces histoires. Ouais, c'était plutôt en Allemagne en fait, non? C'est parti d'Allemagne, ouais, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. oui, ouais, c'était parti d'Allemagne, mais bon, ouais, moi je fais référence à des cas qu'il y a eu, je crois, dans le nord de la France, il me semble, Ah, d'accord. oui, il y a eu une sur des deuxième steaks. épidémie, en fait, qui avait rien à voir avec celle qui est partie d'Allemagne, c'est ça? Je crois bien, je sais plus trop. C'est à peu Ok. près ça. Mais Ok. bon, on en En avait tout cas, tout parlé le monde en a en. entendu parler. Voilà. Donc là, on en avait parlé en mal. Mais la plupart du temps, en fait, enfin la plupart des bactéries Escherichia coli sont en fait inoffensives, voire bénéfiques, puisque on en a tous environ 1 milliard dans nos intestins. Ok. Voilà, donc faut savoir qu'aussi nous avons dans et sur notre corps plus d'organismes étrangers que de cellules qui nous sont propres. Voilà, donc l'homme est peut-être au sommet de l'évolution pour certains, mais il n'empêche que sans les bactéries, on n'existerait pas. Attends, Ouais, tu veux dire on qu'on a plus de bactéries que de cellules dans le corps? C'est ça, plus on a plus de corps étrangers en fait que de cellules qui nous sont propres. Et puis C'est le fou ça. ratio est gigantesque, je crois que c'est de l'ordre de 90%, c'est ça? De... Je pourrais pas te confirmer le chiffre, mais je sais que c'est plus en tout cas. Voilà, donc l'avantage d'une expérience faite sur des bactéries, c'est que leur cycle de reproduction est généralement très court, puisqu'on le mesure en heures, voire en minutes. Donc le bactériologiste Richard Lenski et quelques collègues de l'Université du Michigan ont tiré parti de ce fait pour réaliser des essais contrôlés en laboratoire. Donc l'expérience a débuté en 1988, je crois que c'est en février même, il me semble. Et Lenski a pris donc une population d'Escherichia coli et a infecté 12 flacons par des colonies d'antiques. Ils étaient tous remplis d'un liquide nutritif de même composition qui était riche en glucose. Donc on avait au départ 12 flacons identiques qui possédaient des populations identiques. Ok, donc il avait une espèce de, juste qu'on se représente bien le truc, il avait une espèce de soupe de glucose et de bactéries, et puis il l'a versé dans 12 flacons absolument identiques. Voilà, en fait, les flacons avaient déjà la soupe, comme tu dis, et Ouais. ensuite il a versé des colonies. Donc j'ai dit identique. D'accord. Alors ça s'appelle des cultures cellulaires, des cultures bactériennes. Voilà. Ouais, C'est ça? soupe, c'est plus parlant. Voilà, Ouais, c'est vrai. si on Non, mais veut se je la sens, moi, raconter, j'ai c'est le nez ça. là-dedans. J'ai le nez là-dedans, c'est pour ça. Voilà, donc je vous ai dit que c'était identique. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les bactéries possèdent un gène qui est nommé ARA, ARA, hein, et qui se présente sous deux formes qu'on appelle ARA plus et ARA moins. Donc la différence entre ces deux allèles, alors allèle, je pense que c'est un mot qui est connu par beaucoup, Tu peux quand mais même l'expliquer. voilà, il y a peut-être des auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce mot. Donc un allèle, en fait, grosso modo, c'est une version d'un gène. Donc là ici, le gène ARA a l'allèle ARA plus et ARA moins. Donc voilà, donc la différence entre ces deux allèles ne se voit que lorsque on ensemence les bactéries avec un mélange d'un colorant chimique appelé le tétrazolium et aussi d'arabinose. Donc le mot fini en ose, c'est donc un Un Comme tu sucre. dis, un sucre, c'est ça. Voilà, tous les mots qui finissent en ose, comme glucose, saccharose, magicien d'Oz, par exemple. Voilà, donc les bactéries à Araplus, en fait, On n'aurait pas dû ce... rigoler, Alan. On n'aurait pas dû aller jusqu'à sa blague, c'est grave. Vous m'avez flatté, là, c'était pour me faire plaisir, c'est ça? Ouais, Enfin, mais c'est écoute, seul. il fallait bien. C'est ou ça, ou on instaure un système pour les blagues à deux balles, mais on va te ruiner. C'est ça, mais Ah faut que tu mettes un jingle en fait pour les blagues à deux balles. Ah ouais, c'est Et pas con, ouais. un Je vais y songer. ta-ta-ta-ta-ta. Par exemple, bon, poursuivons. Ça serait parfait. Bon, je continue, sérieusement. Donc les bactéries en fait ARA plus se voient sous forme de colonies blanches, alors que les bactéries ARA moins se voient sous forme de colonies rouges. Et donc D'accord. c'est le seul impact en fait qu'a ce gène, constituant en fait en quelque sorte un marqueur de couleur. Donc Lenski et son équipe ont fait organiser leur population de bactéries de façon à ce que 6 de leur tribu, de leur flacon quoi, possèdent l'allèle ARA+, et les 6 autres ARA-. Alors les Donc ça, tribus, c'est les colonies, c'est ça? ouais, tribu, colonie, voilà, je vais employer tantôt Ouais, l'un, tantôt l'autre comme mot. ok. Voilà, c'est les lignées qui se trouvent dans les flacons, dans les 12 flacons. Il y a 12 lignées. D'accord. Voilà. Donc l'utilité en fait de ce gène, c'est que en manipulant alternativement les flacons ARA plus et ARA moins, ben, ça leur permet de voir s'ils n'ont pas fait une erreur de manipulation, par exemple par une éclaboussure. Ça a aussi une autre utilité fondamentale, mais on va la voir plus tard. Voilà, dans un souci de clarté. Parfait. Donc ensuite, ces flacons ont été placés dans un incubateur agitateur, ce qui permet en fait de maintenir les bactéries bien au chaud et puis de les agiter pour qu'elles restent bien réparties dans le liquide. Et chaque jour, pour chacune des 12 tribus, un nouveau flacon vierge était infecté du flacon de la veille. Il prélevait en fait un tout petit échantillon, le centième en fait, le centième du volume exactement de l'ancien flacon, et il le plaçait dans le nouveau flacon qui contenait une nouvelle réserve de liquide nutritif riche en glucose. Donc la population de bactéries d'un nouveau flacon augmentait alors très rapidement, jusqu'à stagner le lendemain, quand la réserve de nourriture en fait s'épuisait. Et à ce moment-là, un nouvel échantillon était prélevé et le cycle recommençait le lendemain. Et donc tout ça pour les 12 colonies. Les 12 lignées. L'expérience dure depuis près de 25 ans maintenant. Donc vous imaginez le nombre de flacons utilisés, hein, 12 rangées de près de 8000 flacons. Ça fait un sacré paquet, quoi, là. 100 000 flacons Waouh. presque. Ok. Donc attends, moi j'ai besoin de me représenter les choses. Donc on avait Ouais. 12 flacons identiques au départ. Et C'est puis chaque ça. jour, on en a prélevé un petit peu de chaque, qu'on a Voilà. mis de côté dans un petit flacon et qu'on a rangé au Dans un nouveau. congélateur. Non, non, non, non, dans un nouveau flacon, il prélève en fait un centième du volume de l'ancien, D'accord. il le met dans un nouveau flacon qui a une autre une réserve de nourriture en fait, et il le laisse comme ça une journée jusqu'à que ça stagne, ça atteigne un plateau quoi en population. Le lendemain, il reprend un centième, il remet dans un nouveau flacon, etc. chaque jour en fait. Donc chaque jour, tu as un nouveau flacon pour chaque D'accord. lignée. Ok. Donc il y a 12 lignées, ça nous fait, je viens de faire le calcul, 4383 flacons à la fin de chaque année, et l'expérience dure depuis 25 ans, tu dis? Ouais. Donc ça Non, fait mais il a dit beaucoup qu'il de y en avait flacons. 8000. Oh, près de 100 000, je pense, non? Ouais, 96 000. 109 575. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, voilà. Ça fait un sacré paquet de flacons. Et puis, si on considère, en fait, une moyenne de 6 à 7 générations de bactéries par jour, cela donne, en fait, plus de 50 000 générations de bactéries. En fait, la génération 50 000 a été atteinte en février 2010. Donc, il y a 2 ans maintenant. Plus de 2 ans. D'accord. Donc, pour chaque flacon, on prélevait ici également des échantillons qui étaient destinés à être analysés, donc afin de voir comment progressait l'évolution, mais aussi d'autres échantillons qui étaient congelés. Et là aussi, on verra plus tard pourquoi. D'accord. Voilà, donc là, on a planté le décor. Et la question intéressante de cette expérience donc était de savoir si les nouvelles générations de bactéries resteraient identiques à leurs ancêtres, ou bien si elles évolueraient. Ce qui validerait donc le fait même de l'évolution. Et si elles évoluaient, est-ce que les 12 colonies évolueraient de la même façon, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un déterminisme, hein, ou est-ce qu'elles évolueraient selon des schémas complètement différents? Voilà. Donc bien sûr, bon, on avait déjà une petite idée de la réponse, hein, faut pas le cacher, bien avant. Mais bon, le tout c'était de le mettre sous expérience, de le prouver, quoi. Voilà, donc le liquide nutritif contenait du glucose. Alors, ce n'était pas le seul aliment présent, mais c'était la ressource limitante, c'est-à-dire que c'était le facteur qui limitait la taille de la population. Ainsi, en fait, si une mutation devait survenir sur une bactérie, permettant à celle-ci d'exploiter le glucose avec une plus grande efficacité, on devrait s'attendre à ce que, grâce à la sélection naturelle, les individus héritants de ces mutations se reproduisent statistiquement mieux que les non-mutés. Vous êtes d'accord? Oui, ouais, c'est Voilà. logique, ouais. Et donc, ce nouveau type de bactéries devrait se retrouver en fait de plus en plus souvent dans les flacons, et par conséquent, on devrait constater une amélioration dans l'assimilation du glucose. Eh bien, ben, en fait, c'est Bah exact. non, parce que Escherichia coli, ça fait des millions d'années qu'elle existe, donc pourquoi est-ce qu'en 25 ans, elle améliorerait encore ses capacités de... Ben là, parce que tu la mets dans des nouvelles conditions, quoi. Tu la mets en Ah oui, d'accord. compétition. Juste avec du glucose, etc. D'accord. Voilà. Donc, ben, ce que je disais, c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Et cela dans les voilà. Et cela dans les 12 lignées de flacons, en fait. Les bactéries ont su, en fait, de mieux en mieux utiliser le glucose. Mais le plus intéressant à relever, c'est surtout qu'elles l'ont fait selon des modes différents. C'est-à-dire qu'elles se sont tout simplement développées grâce à des mutations différentes. Alors, pour le savoir, les chercheurs ont en fait comparé la fitness. Alors, en français, ça se traduit par valeur sélective. Il s'agit en fait d'une mesure de la réussite reproductive. Voilà, du succès reproductif. Donc, ils ont comparé la fitness en fait de chaque échantillon en les confrontant aux populations dites fossiles qui ont été échantillonnées auparavant dans la population fondatrice d'origine. Et donc, c'est là qu'interviennent les échantillons congelés. D'accord, juste là aussi qu'on comprenne bien, quand on parle de fossiles, en l'occurrence, on ne parle pas de fossiles d'il y a plusieurs milliards d'années, on parle Non, des non. 12 échantillons de départ, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça les fossiles, On d'accord. les appelle populations fossiles. C'est celles qui ont été congelées, donc, et qui permettent de confronter donc des générations différentes. D'accord. Voilà, parce que c'est les échantillons fossiles, une fois décongelés, en fait, ils se remettent à vivre et ils se reproduisent normalement. Donc on a une trace de comment ils étaient avant l'évolution. Voilà. Donc c'est quand même assez exceptionnel hein, de pouvoir tester ça, quoi. Ouais, c'est assez épatant. Voilà. Donc ben, Lenski et son équipe ont mis en place, en fait, ils ont placé dans un flacon vierge un échantillon de la population supposée évoluer, avec un échantillon de la population ancestrale décongelée. Cela donne donc un nouveau flacon expérimental qui contient cette fois-ci deux souches en concurrence. Et donc pour pouvoir distinguer laquelle de ces populations va dépasser l'autre, Lenski a pu utiliser. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous avez suivi? On va voir si vous avez suivi. À votre avis, comment a fait Lenski pour pouvoir distinguer les deux populations? Ah bah moi je sais. Ouais, moi je crois que je sais aussi, c'est cette histoire de d'allèle, ara plus, ara moins, c'est ça? Voilà, exactement, c'est ça. Avec la couleur. C'est ça, avec la couleur. Donc voilà l'utilité de cette propriété du gène, c'est qu'en mélangeant une population ara moins avec une population ara plus, il devient très facile de voir quelle population l'emporte grâce à la différence de couleur quand on les ensemence avec le mélange arabinose et tétrazélium. Voilà. Ok. Donc bien sûr, voilà, des travaux antérieurs justement avaient aussi montré que les allèles ara n'avaient aucune influence sur la fitness. Ouais, évidemment, il ne faut pas que ça perturbe Voilà. l'expérience. Voilà, D'accord, donc exactement. c'est juste un indicateur, c'est neutre, quoi. On sait que ça va rien changer, mais ça permet de les distinguer, ça permet de Voilà, les reconnaître. c'est juste un marqueur de couleur, quoi. D'accord. Donc, la fitness moyenne des 12 populations a donc augmenté en fait au fil des milliers de générations. Elles ont toutes amélioré leur capacité de survie dans une situation limite de glucose, mais également leur taille corporelle moyenne. Donc, si on regarde l'évolution de la taille corporelle pour une lignée, la courbe d'évolution ressemble de très près en fait à une hyperbole. C'est-à-dire que, grosso modo, en fait, la courbe montre que la plus grande augmentation de la taille corporelle se produit dans les 2000 premières générations environ. En fait, c'est pendant les 2000 premières générations que la pente est la plus élevée. D'accord. Et puis, la pente diminue jusqu'à tendre vers un plateau, quoi, une limite, une tangente. Ok. Donc il y a une espèce de seuil qui est atteint assez rapidement et qui peut pas être dépassé. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant en fait, c'est que si l'on compare aussi les 12 courbes d'évolution, donc pour les 12 lignées, hein, on remarque que l'évolution des tailles est assez différente pour chacune. On a à chaque fois en fait des schémas de croissance différents. Elles donnent toute l'impression en fait de s'approcher d'un plateau, mais le plus élevé des 12 plateaux en fait est presque 2 fois plus élevé que le moins élevé. Ah ouais, quand même, D'accord? d'accord. Donc la limite n'était pas absolue en fait. Voilà, elle n'est pas absolue. C'est un peu comme si elles se mettaient d'accord entre elles sur un plateau, quoi. C'est-à-dire Bah, si elles se mettaient d'accord entre elles. bah, c'est-à-dire qu'en fait, elles tendent toutes vers une même taille, mais elles pourraient tendre vers plus. Alors comment ça se fait qu'elles se limitent à une Bah, certaine taille? c'est, Bah je te vas-y, dirais, continue ça, tu vas c'est le sûrement le hasard dire des après. mutations, quoi. Ouais, Voilà, d'accord. donc voilà, donc en plus les courbes, en plus de ça, donc elles avaient des formes relativement différentes, car en fait celle qui a la valeur la plus élevée à la génération 10 000 commence par augmenter plus lentement que certaines autres, en fait, et elle les dépasse à la génération 7 000. Vous voyez, donc elles augmentent pas de façon, comment dire, parallèle, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Chacune a son rythme, quoi. Voilà. Et puis le rythme varie d'ailleurs, hein. Donc tout cela en fait laisse penser que, du moins dans le cas présent, devenir plus gros présente un avantage pour survivre dans l'environnement créé par les expérimentateurs, qui est alternativement riche et pauvre en glucose. Mais attends, excuse-moi, je reviens sur cette histoire de taille. Elles tendent Oui. toutes vers une tangente, et après, à un moment, elles s'arrêtent de grandir, dans chaque population. Ben, sur les 10 000 premières générations, en fait sur les 30 000, pardon, même, c'est ce qu'on voit, quoi. Mais après, elles pourraient reprendre leur croissance, en fait, c'est ça que tu veux dire, si on continuait théoriquement. Je te dirais, oui, que théoriquement, elle pourrait, D'accord. oui, elle Donc en pourrait, fait, effectivement. les cultures où il y a une taille plus basse, on pourrait penser que c'est parce que ça s'est interrompu, l'évolution n'a pas encore atteint un stade plus haut. Bah, c'est-à-dire que le schéma d'évolution qu'elles ont suivi fait que Oui, d'accord, oui. voilà, elles ont pas eu les mêmes mutations, donc il n'y a pas le Oui, même on peut résultat. dire qu'elles ont évolué moins vite quelque part. Et peut-être que quelque part, du coup, elles n'ont pas les mêmes limites aussi, ça se trouve, les mêmes limites physiologiques, physiques, quoi. Bah si, parce que les conditions sont les mêmes pour toutes. Oui, mais elles n'ont pas eu le même schéma de mutation. Oui, d'accord, Si tu veux, ok. peut-être pour atteindre un plateau plus haut, il faut une certaine mutation que d'autres n'ont Oui, pas je eu. comprends. Oui, Voilà. donc c'est ce que je dis, elles ont, enfin, on peut dire qu'elles auraient évolué moins vite, quoi. Bah, évoluer moins vite, non, Vers la grande taille, quoi, c'est ça que je veux non, dire. elles ont évolué différemment. D'accord, non, mais d'accord, oui, je comprends, ok. Non, je veux pas dire moins vite. Oui, j'ai bien Ça se compris, dit ok. pas. C'est faux, oui, c'est faux, Voilà. il faut pas dire moins vite, c'est vrai, t'as raison, ok. Donc, voilà, donc en fait, peu importe la raison pour laquelle en fait on a l'impression peu importe la raison pour laquelle elles augmentent toutes en taille, on a en tout cas l'impression en fait qu'il fallait qu'il en soit ainsi, puisque c'est ce qui s'est produit dans les 12 lignées différentes. D'accord, on m'a suivi là? Oui, tout à Ouais, fait. je suis un peu embrouillé sur la phrase, mais voilà. Donc, il n'existe pas une seule façon de grossir. Et donc, il y a plusieurs ensembles, différents ensembles de mutations qui peuvent être responsables de la croissance. Et c'est en tout cas ce que semblent montrer les différentes courbes. Donc, jusqu'ici, l'expérience de Linsky et de ses collègues montre la réalité d'évolution. On voit bien qu'il y a une évolution. Mais la suite va révéler un résultat qui est encore plus surprenant et qui va conforter cette réalité. Tu veux Donc, dire que pour la résumer. réalité de l'évolution, c'est surprenant? Non, Non, je te charrie. c'est le résultat qui va suivre. Il est Ouais. surprenant, oui, dans un sens, il sera pas si surprenant que ça, puisqu'on s'y attendait quelque part. Alors, quel résultat? Voilà. Donc, on va d'abord faire un premier résumé là. Donc, je vous ai dit que les 12 lignées ont connu en fait une amélioration de la fitness et puis de la taille. Et cette évolution s'est faite de la même façon, avec simplement des différences dans les détails, quoi. Donc, plus lentement chez certaines tribus et plus rapide chez d'autres. Mais un peu après la génération de 33 000, en fait, il s'est produit quelque chose d'absolument surprenant. Ça fait 2 fois que je le dis, donc Alors c'est bon, c'est vraiment surprenant. le suspense est à son comble, là Voilà. on n'en peut plus d'attendre. Qu'est-ce Non mais qui s'est c'est vrai en passé à la plus, là, 33 millième je suis génération? à fond là. Donc, en fait, une des 12 lignées, qui portait le nom de Ara-3, a vu sa densité de population maximale totalement exploser. Donc la densité maximale, en fait, c'est ce qui est représenté par le plateau qu'on atteint une fois les ressources épuisées. D'accord. Donc, pour vous donner un peu des chiffres parlants, on va prendre la densité optique, qui est une mesure de la population. Donc avant la génération de 33 000, cette densité optique était sensiblement constante autour de 0,04. Donc peu importe ce que signifie cette valeur, en fait, hein, c'est pas ça qui est Mais important, attends, cette c'est densité optique, elle dépend de la taille des bactéries ou pas? Oui? Non, ça mesure la population. C'est pas la taille. Enfin, Mais si je la vois pas. taille augmente, la population diminue? Non? Non, c'est pas Pas lié. La taille et forcément, la pas. population sont pas Non, liées. non, pas, non, non, parce Ils que ont la place. la limite de D'accord. population, en fait, est liée à la quantité de De nourriture. sucre. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Donc, avant la génération de 33 000, donc je disais, c'est une densité optique de 0,04. Donc là, c'est juste pour quantifier que je donne la valeur. Et puis, juste après la génération de 33 000, pour la population ARA-3, la densité optique, en fait, est passée en seulement quelques dizaines de générations à 0,25. D'accord? Donc Ok. 0,04, on passe à 0,25, donc soit 6 fois plus. D'accord. Voilà, donc c'était en fait comme si on avait rajouté du glucose dans les flacons de la colonie ARA-3, hein, mais c'était pas le cas en fait, on n'a rien rajouté. Alors, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Alors Lenski bien sûr a voulu le savoir, hein, et puis il a trouvé. Donc vous vous souvenez, je vous avais dit que le glucose était la ressource limitant l'expansion des populations dans les flacons, mais c'était pas le seul nutriment présent, hein, je vous l'avais dit aussi. Parce qu'il y avait un autre nutriment qui est du citrate. Donc le citrate, c'est une substance qui est de la même famille que la substance qui rend les citrons acides. Donc le liquide contenait beaucoup de citrate, et normalement, en fait, Escherichia coli ne peut pas l'utiliser. Du moins pas en présence d'oxygène. Alors, la tribu ARA-3, en fait, a tout à coup acquis l'aptitude d'absorber le citrate aussi bien que le glucose. Du coup, en fait, la quantité de nourriture qui est disponible dans chaque flacon, ben, augmente considérablement. D'accord. Donc, attends D'accord? voir. Elles étaient programmées génétiquement pour bouffer du sucre, et puis tout à coup, une certaine souche a réussi à s'alimenter avec du citrate aussi. C'est ça, exactement. D'accord. Exactement. Donc, du coup, voilà, la quantité de nourriture est plus importante. Ce qui Bah ouais. explique pourquoi la population a explosé, en fait. Ok. D'accord? Donc, il y a une autre question qui en découle, c'est de savoir quelle mutation avait conduit à cette situation. Donc, dès le début, en fait, Lenski lui a émis l'hypothèse que cela était dû à au moins deux mutations. Parce qu'il avait calculé que 30 000 générations, c'était suffisant pour que chaque gène ait muté au moins une fois dans chacune des 12 lignées. Et donc, si cela était dû à une seule mutation, il est probable que d'autres tribus auraient déjà acquis la même capacité. Voilà, donc il est parti de ce principe-là. D'accord. Donc ça, c'est Voilà. purement des statistiques, en fait. Il a pris le nombre de gènes, le nombre de générations, le nombre de colonies, puis il s'est dit... Voilà, il s'est dit, Ouais. bon, normalement, j'aurais dû le voir, enfin, il est fort probable que j'aurais Ouais. dû voir la même chose ailleurs, quoi. D'accord. Donc on savait que c'était pas juste un gène, c'était au moins deux. Donc il s'est dit au moins deux. Donc on va appeler, en fait, pour simplifier, on va appeler ces mutations A et B. Donc en fait, pour que la capacité d'absorber le citrate se manifeste, il faut vraiment qu'il y ait les deux mutations, la A et la B. Alors l'hypothèse de D'accord. Lenski, c'était, et donc à un certain moment inconnu, la tribu ARA-3 aurait subi la mutation A, qui n'a pas donné d'effet décelable, puis plus tard, l'autre mutation nécessaire, la mutation B. Il est probable aussi que la mutation A et B, en fait, aient pu apparaître dans n'importe laquelle des tribus, mais les deux mutations sont nécessaires et il n'y a que dans la tribu ARA-3 que de toute façon elle est apparue. Elles sont apparues les D'accord. deux, quoi, à partir de la génération de 33 000. Alors c'est un des élèves de Lenski qui s'est vu alors attribuer une tâche assez pénible, qui était de vérifier en fait cette hypothèse, en retrouvant le moment où aurait eu lieu la première mutation. Ah, sympa. Il a dû vérifier toutes les... En fait, tous pour cela, les... ben, voilà, Ouais. pour cela, c'est ça, il a dû en fait décongeler les échantillons des tribus ancestrales et observer celles pour qui la probabilité de découvrir comment gérer le citrate était la plus élevée. D'accord. Il a dû D'accord? appliquer le théorème de la noix de coco, là, Je pense que ouais, il a dû de faire quelque Nicon. chose de similaire, ouais. Ouais, pour savoir par quel bout commencer pour que ce soit le plus efficace. Bah, ça lui Ouais, en non faisait du mais. boulot s'il les prenait toutes les unes après les autres. Ouais, à mon avis, il n'est pas parti de la première en faisant à chaque fois une seule. Ça aurait été trop long, quoi. Donc, ouais, il a dû peut-être partir de la 10 000 en premier, 10 000, 20 000. Il a dû cerner comme ça, quoi. En tout cas, il a réussi à montrer que la première mutation a eu lieu approximativement à la génération 20 000. Donc, en fait, tous les clones décongelés après la génération 20 000 ont montré une plus grande probabilité d'acquérir la capacité d'absorber le citrate. Et cette probabilité était d'ailleurs la même pour toutes les générations, du moment qu'elle date d'après la génération 20 000. Donc ça, c'est la mutation A, ça. C'est ça, la première mutation. Mais alors pourquoi la mutation A, elle s'est répandue dans toutes les populations? Bah Ah bah non, pourquoi... non, non, c'est que dans cette lignée-là, non? Ouais, c'est que dans les Que dans cette populations de cette lignée-là. lignée. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est imposée dans cette lignée-là? Bah, c'est pas spécialement imposé. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait rien qui l'empêchait Bah, elle s'est imposée puisque toutes les bactéries l'ont. Non, pas toutes les bactéries l'ont, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où une certaine bactérie a, en plus de la mutation A, a eu la mutation B, elle s'est retrouvée Oui, non mais ça, à fortement ce moment-là, je avantagée. suis d'accord. Mais avant la mutation A, enfin bon, peut-être qu'on n'a pas l'explication, mais pourquoi la mutation A, elle a été conservée, quoi? Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle ne soit pas conservée, en fait, c'est ça. Mais comme elle n'avait pas d'effet, il n'y avait aucune raison qu'elle soit pas Voilà, conservée non c'est plus. ça. Donc c'est le gène égoïste. Ouais, Ouais, c'est peut-être. ça. Encore lui, c'est ça. Ok. Voilà, donc on disait quoi? On disait que voilà, c'était Donc tu t'es à peu perdu. près à la génération 20 000. Voilà. Ben, donc ce travail effectué par Linsky et son équipe montre un grand nombre de composants essentiels de l'évolution, car il y a des mutations aléatoires soumises à une sélection naturelle qui, elle, est non aléatoire. Il y a aussi une adaptation à un environnement par des voies différentes. Mais l'expérience montre aussi la façon dont les mutations successives peuvent s'additionner pour opérer une modification évolutive, ou encore comment certains gènes ont besoin d'autres gènes pour s'exprimer. Et pour conclure, vous aurez donc compris pourquoi cette expérience qui fait voler en éclats le dogme de la complexité irréductible n'est jamais évoquée par ses opposants, quoi. Ok, bah tu vas nous expliquer ce que c'est que le dogme de la complexité irréductible? Alors, oui, bien sûr. Bah voyons, c'est simple. Alors, ce dogme, il a été défini, en fait, c'est par Michael Behe. Je ne sais pas comment on prononce son nom, j'ai jamais su. Behe. Je sais pas comment vous le prononcez, vous. Ouais, je sais pas non plus comment on le prononce, Ouais. t'as raison. Ouais, je sais pas, on va Donc, dire bon, B, ouais. qui est quand même un partisan du design intelligent hein, aux États-Unis. Mmh. Et donc, bon, selon lui, selon sa thèse, une partie qui est composée en fait de enfin comment dire un organe qui est composé de plusieurs parties qui interagissent entre elles comment dire ça ne peut pas en fait vas-y Alan si tu arrives à m'aider je sais plus comment Mais formuler ma phrase il peut pas être apparu spontanément, c'est ça qui voilà dit. c'est ça donc par exemple pour l'œil pour lui, voilà, la moitié d'un œil. Enfin, dans son raisonnement, la moitié d'un œil, ça marche pas, quoi. Ouais, donc il Voilà. peut pas y avoir eu les étapes indispensables à Exact. l'évolution de l'œil pour devenir ce qu'il est devenu. Il fallait d'abord que ce soit un œil parfait pour que ça puisse être utile à l'animal qu'il possédait. C'est un peu ça son idée. Voilà, c'est un peu ça son idée. Donc bon, bien sûr, ça a été réfuté depuis un petit moment, hein, tous ces arguments. Donc ça s'applique à différents niveaux. Ça s'applique au niveau de l'organe, mais aussi au niveau génétique. Donc là, on est dans le cas d'une caractéristique qui apparaît grâce en fait à deux mutations. Dans son Oui, idée, ça serait... Oui, vas-y. c'est l'objection qu'il fait là, ce monsieur B, c'est un petit peu l'objection que je faisais sur pourquoi le gène A, il s'est imposé en fait tout seul. Il avait aucune raison de le faire. Mais il s'est pas imposé en fait. Il faisait partie de la diversité génétique. Il est apparu à la 22e, 22 millième génération, on est d'accord? À la 20 000e, ouais, à peu près, À la ouais. 20 millième. Donc au moment où il a été pris d'une culture, il a été pris avec d'autres bactéries. Tu vois ce que je veux dire? La première Oui. bactérie qui a eu ce gène A, Oui. elle a été prise dans sa petite culture avec toutes les bactéries qu'il y avait autour d'elle, enfin quelques-unes quoi. Et elle a été mise Oui. dans une nouvelle culture, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et donc là, à ce moment-là, dans cette nouvelle culture-là, la bactérie qui avait le gène A, peut-être par hasard ou je sais pas pourquoi, mais c'est elle qui a supplanté toutes les autres et qui a fait que le gène A est devenu majoritaire dans cette nouvelle culture. Bah, On est il était d'accord? pas, bah, il était pas forcément majoritaire, non, il était présent, quoi. Mais il est devenu Ça faisait. majoritaire au fil du temps? Pas du tout, non, il est toujours Bah, ça, resté on n'en sait là. rien. En fait, Non. il est devenu majoritaire à partir du moment où la mutation B est apparue. À partir du moment où il y a eu la deuxième qui a donné Oui, vraiment mais. la. Oui, C'est là qu'il y a eu un d'accord. véritable avantage évolutif et que du Voilà. coup, toutes les bactéries qui avaient la mutation A et B ont commencé enfin, sont devenues D'accord. clairement dominantes. Mais jusque-là, D'accord. la mutation A, Mais elle se sa baladait par fréquence, elle a là. quand même augmenté pendant une certaine période, quoi. Je veux dire, elle est partie de zéro, la fréquence, donc elle a forcément un peu augmenté. Donc il y a forcément. Il y a une raison, Forcément, entre guillemets, quoi. statistiquement, elle est, je pense, restée sensiblement la même après, tant qu'il n'y a pas eu la mutation B. D'ailleurs, Oui, c'est elle ce a que atteint montrent un les plateau, la résultats. fréquence. Oui, Oui, ok. voilà. un plateau, on va dire, assez aléatoire, quoi. D'accord. Oui, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une chance, il y a un entretien des mutations aléatoires qui ne sert à rien, mais qui s'éteignent pas parce qu'elles sont pas nocives, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est ça. ok. Voilà. Ok. Et puis, d'accord, bon, écoute, c'est passionnant. Merci, déjà, Ah, c'est super intéressant. dossier rondement mené, super, super précis, super efficace. On a Georges Mackie dans la chatroom qui nous pose une question. Il demande s'il n'y a pas un chercheur en France qui a mis au point une machine pour automatiser ce type de multiplication reproductive. Impossible de me rappeler du nom. Ça me dit rien, moi, mais ouais, Est-ce qu'il si parle j'ai le pas nom, je... du PCR? Si quelqu'un a le nom, je veux bien. Ah non, la PCR, c'est pour l'amplification génique, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la réaction en Ouais, chaîne par polymérase. ouais, Ouais, c'est ça. bon, effectivement, rien à voir. Je crois pas que c'est ça, vraiment. Non. Mais ça me dit quelque Bon, chose, bah si. effectivement, cette histoire de machine reproductive. Mais je Ok. saurais pas dire, Nuki. Si on trouve, on lui rafraîchira la mémoire, c'est promis. Puis Marco, est-ce que tu en sais un petit peu plus sur comment tout a été accueilli par tes copains, les créationnistes? Non, pas vraiment en fait, puisque il n'y a pas beaucoup qui le mentionnent. Enfin, en tout cas, j'ai pas, je suis pas au courant, mais donc ils essaient d'en parler le moins possible. Hein. C'est pas leur avantage. C'est difficile de réfuter, de nier de tels résultats, quoi. Et elle date de quand cette expérience? Bah, elle a commencé en 88 en fait. D'accord, ok. Et elle a été publiée en 2008, sauf erreur. Ok. Et donc, Ouais. c'est une des seules, en fait, c'est une des seules observations, expériences, enfin disons, expériences enfin, visuelles, objectives de l'évolution qu'on a. Il y a celle des les papillons de la fanère du bouleau, là. Et puis une autre, je Bah, crois, il y en a mais... plusieurs en fait. Hein. Il y en a plusieurs. Alors, à la base, je voulais faire un sujet et parler justement de ces différentes expériences. Et puis, voilà, je me suis dit que j'allais faire plutôt un sujet court et parler uniquement de l'expérience de Lenski, qui est quand même, je pense, si je devais en parler que d'une, ce serait de celle-là. Mais il y en a d'autres. Il y a John Endler qui avait fait aussi l'expérience comme ça. Pour montrer montrer l'action de la sélection naturelle avec des guppies. Avec Donc il a, avec des guppies, des des poissons, des petits poissons, des Ah guppies, bon, des d'accord, je petits connaissais pas. des poissons donc qu'il avait mis dans un milieu avec prédateurs ou sans prédateurs et la couleur des guppies en fait D'accord. changeait en fonction du milieu quoi. S'il y avait un prédateur, et il prenait la couleur un Ok, peu des cailloux quoi, des sols. oui, c'est comme la fanère du bouleau dont je parlais, c'est on s'est aperçu que Ouais. les papillons changeaient de couleur en fonction de la pollution des arbres pendant l'ère industrielle en fait. Ils sont devenus noirs quand les arbres sont devenus noirs, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis Ça donne je du crois que des boulot. expériences qui permettent de voir l'évolution en temps réel, il y en a quand même pas mal. Il y en a À quand même pas commencer par les mal, ouais. C'est commencer par souvent sur les fameux des... pinsons. Oui, Oui, les pinsons pardon. de Madagascar, ouais. Ou des Non, les non, les pinsons pinsons de Galapagos. Voilà, de Des Darwin, ouais. Galapagos, ouais. Ouais, mais en fait, finalement, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, et c'est un petit peu le reproche des créationnistes, quoi. C'est que finalement, il y en Bah, a. il y en a Je pense aussi, que. il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal surtout sur des bactéries, puisque quand même pour pouvoir faire ce genre d'expérience, il faut beaucoup de générations, donc il faut un organisme qui se reproduit rapidement. Oui, rapidement, ouais. Puisque nous, bon, à l'échelle humaine, tu vois, tu peux pas faire ça avec des mammifères, par exemple. Mais bon, tu parles d'expérience, il y a quand même tous les animaux de compagnie et tous les animaux d'élevage, bon, ont été obtenus par sélection artificielle, mais bon, c'est simplement appliquer la sélection naturelle, quoi. Oui, mais je veux dire, c'est pas des expériences scientifiques. Et puis le problème avec les bactéries, c'est qu'on Si, observe sur si. des... Ça peut être des expériences scientifiques. Il y a la fameuse expérience des renards en Russie. C'était conduit sur plusieurs dizaines d'années. Puis ça a permis de démontrer que tu peux donner à peu près n'importe quel caractère à ton renard, simplement en favorisant les différents croisements. Donc, ils sont partis de bêtes extrêmement agressives. Ils ont réussi à en faire des renards apprivoisés, doux comme des chiens. Je me rappelle Ok. plus maintenant que je dis ça de C'est mémoire. C'était ça, bah 5 ou 6 c'est... générations. Ouais, d'accord. C'est ouais, Ouais, c'est mais en fait, Beliaïev. le C'est problème, le c'est russe le... Je Beliaïev crois qui que avait le... fait ça. Ouais, ce qu'ils reprochent à ce genre d'expérience, c'est qu'ils veulent que ça soit sur des plus longues durées, quoi, les créationnistes. Mais bon, le problème avec les bactéries, quand on fait la sélection bactérienne, c'est que c'est sur des durées très courtes, quoi. Mais bon, enfin, je crois que c'est un de Dans leurs arguments, mais c'est pas. ce cas-là, on peut leur parler du lézard Peau d'Arcis sicula, là, sur une île croate, en fait, qui avait été implantée avant la guerre. Quand ils sont revenus, les lézards étaient devenus. Je crois que c'était des lézards à la base, si je me souviens bien, qui devaient être Végétariens qui carnivores, sont devenus carnivores ou végétariens, le qui sont contraire, devenus ouais, c'est ça. carnivores, et leur estomac, en fait, ouais, leur système digestif, en fait, a été légèrement modifié. Il y a une Ouais, valve c'est ça. qui est apparue. Ouais, ce genre de choses, voilà, c'est ça exactement. Ouais. Bah, en Ok, ouais, cherchant bah non, bien, il y il y en a en a, sûrement quoi. beaucoup, ouais. Ouais, Ouais, c'est vrai alors. qu'il faut aller les chercher aussi, ces expériences, quoi. On va pas nous les fournir. C'est pas le truc qu'on va voir forcément sur TF1, quoi, par exemple. Le samedi Ouais, soir en prime time. mais d'ailleurs, le créationnisme, il est en expansion aux États-Unis en ce moment, non? Il en réenseigne dans les écoles ou des trucs comme ça, non? Ouais, ça revient un peu. Ça s'était calmé Ouais, il dans n'est pas encore dans le enseigné dans les 20e écoles siècle. publiques. Pas dans les écoles publiques, ouais, d'accord. Pas encore. Mais Ouais, si c'est ça continue triste. à ce rythme-là. Ben là, ils reviennent en force. Enfin, ils sont revenus. Ils ont remis un coup avec leur histoire de design intelligent, quoi. Ah oui, ça j'ai pas. Enfin, je comprends le nom comme ça, mais j'avais pas Et, entendu bah, parler de ça. quelque part, ils disent OK, il y a une évolution, mais elle est dirigée. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Ok, alors pour information, Georges a fait son boulot dans la chatroom tout seul. Il a retrouvé la référence à laquelle il faisait allusion. Donc c'est George Church, professeur de génétique à Harvard et au MIT, qui a travaillé sur une machine à évolution qui cherche à tirer profit du processus de sélection naturelle. Il nous a mis un lien sur un dossier de Futura Science. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Et puis autrement, moi j'ai fouillé un petit peu de mon côté aussi pour voir quelle était la position des créationnistes sur l'expérience de Lenski. Alors il y a ce qu'on appelle une affaire Lenski. Ah, t'as trouvé des trucs dessus? Ouais, alors c'est un Ah, ça, bah, certain. ça m'intéresse, toi. On mettra aussi le lien dans les notes de l'émission. C'est un certain Andrew Schlafly. Qui a essayé de mettre en place une campagne pour dénigrer l'expérience de Lenski. Alors c'est vraiment des coups en dessous de la ceinture en fait. Il y a tout un échange de correspondances qu'on trouve sur rationalwiki.org. Donc il lui a envoyé un premier courrier en lui disant cher professeur Lenski, vous êtes bien gentil tout ça, mais donnez-nous le preuve de ce que vous avancez, donnez-nous les données. Lenski lui a répondu en disant mais il n'y a pas de problème cher monsieur, toutes les données sont dans le document, enfin dans la publication et dans des annexes que vous trouvez ici, ici et là. Donc il a absolument pas caché le résultat. Donc le premier message de Schlafly, oui, Schlafly, c'était en juin 2008, et Lenski lui a répondu le même jour. C'était le 13 juin. Le 18 juin, Schlafly revient à la charge, disant, cher professeur Lenski, j'aurais préféré que vous me répondiez, que vous me donniez les données. Alors, comment il les avait données? C'est quand même des études qui ont été financées avec les deniers publics, ça va pas, ça va, je vais le faire savoir. Et puis, il a commencé à raconter partout que l'expérience était truquée, tronquée, enfin qu'on n'avait pas accès aux résultats. Et puis bah, là-dessus, Lenski a commencé à s'énerver. Il lui a fait une réponse circonstanciée, plutôt marrante d'ailleurs. Tout est en anglais, mais c'est plutôt drôle, ça vaut la peine de lire. Où il lui donne des détails techniques qui évidemment sont pas à la portée. Du premier créationniste venu, mais enfin il est totalement transparent dans la démarche. Et de ce que j'ai trouvé, c'est la seule critique qui lui a été adressée par des créationnistes. Voilà, ça c'est même pas fondé, quoi. Donc effectivement, je pense qu'ils sont plutôt emmerdés avec cette histoire. Ouais, d'accord, donc la seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est bon, en fait, votre expérience, elle est fausse, elle est tronquée. Voilà. Ouais, c'est ça. Donnez-nous les chiffres et puis tu donnes les chiffres et puis ils font comme si tu les avais pas donnés. Bon. Mais il y a le site Bon. internet aussi où Lenski, d'ailleurs, je l'ai mis en lien dans le dossier, il y a le site internet où il y a les publications hein, qui sont à chaque fois mises en ligne. Ouais, bah c'est super bien documenté. Je crois que si on s'intéresse aux résultats, il y a totalement moyen d'y accéder. Ouais, tout à fait, ouais. Donc Ok. Donc voilà, ben pour finir, ben je vais quand même citer mes sources. Donc pour réaliser le dossier, je me suis grandement appuyé en fait sur un livre de Richard Dawkins qui s'appelle Le plus grand spectacle du monde. Donc où il parle longuement justement de cette expérience, quoi. Et pour résumer, en fait, cette expérience, elle montre quoi? Elle montre que c'est une expérience d'évolution, quoi. Oui, d'évolution par la sélection naturelle. D'évolution par de modification des caractères par la sélection naturelle, quoi. C'est Voilà, ça. Ouais, ok. c'est Donc le ça. caractère étant la capacité à se nourrir de citrate. Et la taille Ben, aussi, un peu. ouais, pas seulement. La Pour taille le et la capteur, ça a capacité à été manger ça, les ouais. citrates. Ouais, d'accord. La taille aussi, ouais, tout ça. Et puis, mais ça aurait pu être autre chose, hein. On ne Ouais, savait non, pas à mais c'est ça, l'avance. ouais. C'est juste pour résumer. Ok. Ouais. Ouais, Ah, c'est c'est super épatant cette intéressant. histoire de Ouais. citrate. Ça m'évoque la mutation qui a eu lieu chez l'être humain en Europe il y a 7500 ans. Une mutation génétique qui tout à coup nous a permis de digérer à l'âge adulte le lait d'autres mammifères. C'est Ah arrivé oui. ouais, Et cette quelques mutation, milliers d'années. elle est liée au domestiquage du bétail ou elle est postérieure ou antérieure au domestiquage du Elle est bétail? postérieure Elle au est domestiquage du postérieure, c'est bétail. fou ça. Ouais. Qui remonte à quelques 10 000 ans et cette mutation remonte à quelques 7500 ans. Donc Ouais. c'est exactement le même cas de figure finalement. Et puis à contrario, il y a aussi une mutation, mais alors là ça remonte encore plus loin, qui nous a rendus ben, tous malades. Quelque part, on est tous malades, nous humains, et puis aussi tous les grands singes, c'est qu'on a perdu la Ah capacité oui. de synthétiser la vitamine C. Donc en fait, il y a eu une délétion d'un nucléotide qui a en Mais fait ça, c'est décalé. incompréhensible, hein. Qui C'est a décalé incompréhensible. toute la chaîne qui suivait et a complètement dénaturé en fait, c'était un précurseur de la vitamine C hein, qui était ensuite transformé en vitamine C. Et donc, on a perdu la capacité de synthétiser ce précurseur. Et donc, c'est Putain, une preuve chien. aussi, c'est une preuve qu'on partage un ancêtre commun avec, par exemple, les chimpanzés, parce que les chimpanzés ont exactement la même délétion au même endroit, quoi. Moi, je Ouais, comprends pas c'est épatant. comment on a pu favoriser cette délétion-là. Enfin, comment l'évolution a pu faire que cette mutation émerge, quoi. C'est Ben quand même un handicap, quoi. Alors que ça coûte pas grand-chose, quoi. Ça coûte oui, mais juste une bon. enzyme. Mais est-ce que C'est-à-dire c'est que. vraiment un handicap? C'était un handicap Bah ouais, parce sur les qu'avant, galères au bien. 15e siècle, mais Oui, bah autrement. ouais. Mais carrément. Enfin, je veux dire, y a que depuis. Bah, c'est toi qui a fait Ouais, mais l'industrie de la c'est. nutrition, tu dois savoir ça. Mais avant, ils étaient beaucoup plus carencés que. Enfin, le scorbut, c'était fréquent. La carence en vitamine C. Absolument, ouais, mais c'était fréquent chez les marins au 15e siècle, donc c'était quand même des conditions vachement particulières. L'évolution, elle n'est pas dirigée, elle peut pas prévoir ce qui va arriver. Moi, je pense que quand on vivait Non, mais je sais, dans. mais je pense que les hommes préhistoriques. Bon, ils mangeaient beaucoup de fruits et de légumes, c'est vrai, mais je pense Ben que. ouais, bien sûr. Enfin, c'est quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts du scorbut quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même un Oui, bien handicap sûr. important. Ouais. Enfin bon, je trouve ça marrant. Et puis c'est comme moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que pourquoi est-ce que la capacité à digérer la cellulose, pourquoi on l'a perdue? Parce que la plupart des mammifères herbivores, ils ont cette capacité. Et nous, les humains, on l'a pas, quoi. Alors que ça nous simplifierait vachement la vie, quoi. Ouais, t'as envie de bouffer du bois et du Bah papier. ouais, du papier, t'es plus en Ouais, vie. mais en même temps, l'évolution n'est pas là pour te simplifier la vie, mais pour te donner plus grande chance de vivre assez longtemps pour te reproduire. Ouais, Dans un mais si tu environnement pouvais donné. bouffer de l'herbe, ça Voilà. me faciliterait la vie. Non, mais ouais. Bon. Ouais, mais à part ça, t'es sûr que c'était une caractéristique ancestrale qu'on aurait perdue en cours de route? Non, je suis pas sûr, mais je sais que, enfin, la cellulose, par exemple, enfin, il y a beaucoup de mammifères qui sont capables de la digérer, mais nous, on Ouais. l'est pas. Tu vois, donc ça serait possible. Je pense que ce serait pas trop compliqué de faire en sorte que nous aussi, on puisse le faire. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? je George m'avancerai pas X trop sur Mackie. ce terrain. George Non, c'est un Mackie nous peu. dit que ça prend trop d'énergie pour digérer la cellulose. Donc c'est vrai que ça pourrait être une explication avancée, quoi. Ah oui, C'est vrai ça que c'est. prend. Il faudrait en. Ouais, je comprends. Ouais. Il faudrait en manger trop, donc ça changerait nos modes de vie, etc. C'est vrai que toi tu vois la perte, mais après il faut voir le gain derrière, quoi. Ouais, je comprends. Ok, bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Super dossier, Marco, merci beaucoup. Et de rien. Ah, j'ai adoré, ouais. Ouais. Bon, comme on parle d'évolution, on compte sur les commentaires, évidemment pas seulement des créationnistes, mais aussi de nos amis biologistes qui auront sans doute des précisions à apporter. C'est toujours bienvenu. Et puis, ben, autrement, on va parler sans tarder du sujet de la semaine prochaine. Donc c'est moi qui m'y colle la semaine prochaine. On va parler des fourmis. Elles occupent toute la planète ou presque. Elles ont inventé la division du travail, l'agriculture, l'esclavage, l'armée, les antibiotiques et j'en passe. Tout cela 60 millions d'années avant nous. Avec une biomasse équivalente à celle de l'humanité tout entière, on peut dire que les fourmis dominent le monde. Alors, quels enseignements tirer de ce succès évolutif sans pareil? Qu'est-ce qu'elles peuvent encore nous apprendre? Nous aurons avec nous en différé le professeur Laurent Keller de l'Université de Lausanne, sommité mondial de la myrmécologie, c'est donc la branche de l'entomologie qui étudie les fourmis, et nous lèverons le voile sur ce que les fourmis peuvent nous apprendre. Par exemple, nous verrons comment elles peuvent nous aider à régler des casse-têtes mathématiques, comme le problème du voyageur de commerce que Nico évoquait il y a 3 semaines dans son dossier sur les algorithmes. Et les fourmis inspirent aussi de nouveaux développements dans l'informatique et la robotique. Entre nous, si quelqu'un m'avait dit un jour que je pourrais me passionner pour un sujet pareil, je l'aurais traité de fou. Et pourtant, il aurait eu raison. Alors traitez-moi de fou, même si cela ne vous picote pas encore tout partout aujourd'hui, la semaine prochaine, vous allez adorer les fourmis. Eh ben, ça promet. Grand fou. Voilà, non, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut imaginer. Moi, ça m'a franchement, ça m'épate. Mais t'as Ah lu voilà. Les fourmis de Bernard Werber? Ouais, j'ai lu ça il y a longtemps, ouais. Il y a longtemps? Bon, c'est que des conneries, je pense, hein, mais enfin, moi, c'est le monde des fourmis m'avait Écoute, déjà fasciné par ces. ouais, je crois pas, c'est pas que des conneries. Je crois que la plupart de ces affirmations sont quand même étayées, Oui, parce que c'est un elles sont journal basées sur la scientifique recherche à la base. scientifique, ouais. Après, c'est tellement anthropomorphisé, tu vois, les états d'âme des Ouais, fourmis, bah oui, ça c'est clair. ouais. Mais bon, c'est la licence poétique qui veut ça. Disons que l'ouvrage de Laurent Keller m'a vachement plus accroché que celui de Bernard Werber. Ouais, c'est plus scientifique, quoi. Enfin bon, ça n'a rien à voir, bien sûr. Ouais, pourtant, c'est tout aussi bien écrit. Alors, je trouve super rare de tomber sur des ouvrages de vulgarisation scientifique en français qui soient bien écrits, qui soient accessibles, qui soient surtout accrocheurs, quoi, qui donnent envie de tourner les pages. Et là, c'est le cas. Il l'a pas écrit tout seul, il l'a écrit avec la complicité d'une journaliste scientifique qui a du talent, quoi. Et c'est cool. C'est vraiment bien. Je parlerai de tout ça la semaine prochaine. Entre nous, je ne l'ai pas encore écrit, mon dossier, donc j'ai une idée de ce dont je vais parler dans les grandes lignes. Et puis l'interview de Laurent Keller est déjà faite, elle est dans la boîte, donc j'ai des séquences comme ça que je vais intercaler Ok. dans le dossier. Bah, ça J'en promet. profite, ouais. J'en profite de dire aussi que la semaine prochaine, le live en principe ne se fera pas sur NewWiz, pour les gens qui nous écoutent en direct sur cette plateforme. Rendez-vous sur notre site web pour le live. On va expérimenter une nouvelle technologie qui devrait nous permettre d'avoir un petit peu moins de problèmes. NewWiz, c'est super, mais c'est pas vraiment fait pour notre configuration où on est tous. On a un studio virtuel qui en principe est dédié à un seul animateur qui a la possibilité de recevoir des invités. Nous, on est dans une configuration un petit peu différente où on est éparpillé aux quatre coins de la France, de la Navarre et de Suisse, et parfois d'Espagne. Et puis, ben voilà, on l'a vu depuis qu'on utilise cette plateforme, on a pas mal de problèmes techniques. Au début, on avait les problèmes d'écho, on a souvent des coupures. On espère pouvoir régler ces problèmes-là à partir de la semaine prochaine. Donc, affaire à suivre, rien n'est garanti encore. C'est toujours un petit peu expérimental chez nous. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu l'occasion de réécouter quelques-uns des derniers épisodes et je trouve qu'en tant qu'auditeur, c'est pénible, quoi. Toutes ces coupures, cette différence de niveau, cette saturation qu'il y a parfois. Donc voilà, on y a travaillé d'arrache-pied ces derniers temps. On espère qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera enfin définitivement réglé. Affaire à suivre. Sinon, encore rappeler la date de notre sortie au Palais de la Découverte. Donc, ce sera le samedi 9 juin prochain. Il y a encore de la place. Inscrivez-vous. On va bientôt publier une page sur le site. J'étais censé le faire avant ce soir, mais j'ai pas eu le temps. Un petit peu à la bourre. Mais une page sur le site qui indique tous les détails et puis qui vous permet de vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Et puis, en attendant, si j'ai pas l'occasion de le faire ce soir, vous pouvez vous inscrire via Facebook, via Twitter. On s'appelle Podcast Science en un mot, tout collé un peu partout. Vous pouvez le faire à travers le formulaire de contact du site web podcastscience.fm ou vous pouvez le faire par email donc podcastscience@gmail.com. Et puis quoi dire encore? Ah oui, l'épisode de la semaine prochaine, j'ai oublié de le préciser, ce sera de nouveau jeudi. Donc ce sera le jeudi 17 mai et pas le mercredi. Et puis on va tenter une petite expérience avec Nico, dont j'ai pas le droit de vous parler encore officiellement. Il faut qu'il essaye. Mais enfin, soyez sur le site. Il risque de se passer des trucs sympas à ce moment-là. Ça en vaut la peine. Autrement, bah, il nous reste le moment que tout le monde attend, en tout cas j'espère, le moment phare de l'émission, la quote de Marco en anglais. Marco? Ah là là. Mais tu vois, comme je m'y attendais, je me suis dit, bon, allez, ils veulent une cote en anglais de ma part. J'ai dit, je vais prendre une cote de quelqu'un qui parle aussi mal anglais que moi. D'accord. Alors j'ai pris une cote d'Eric Cantona. Eric Cantona, ça promet d'être très scientifique, mais vas-y toujours. Alors je vais essayer de la faire de la façon où il a dit. Donc ça fait comme ça. When the seagulls follow the trawler. It's because they think sardines will be thrown into the sea. D'accord, ah ouais, en plus tu nous l'as fait avec l'intonation Cantona. Voilà, grosso modo, ça donnait comme ça en fait. Alors pour la D'accord. petite histoire de la citation, il avait fait ça après un match, il me semble, où il avait pris un carton rouge, il était sorti en faisant un coup de pied high kick dans un spectateur. Et donc après ça, les journalistes l'attendaient et puis il est arrivé devant les journalistes, il a sorti cette phrase et il est parti. Est-ce qu'on peut la traduire? Parce que moi j'ai rien compris. Bah la phrase, en fait, elle dit quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines vont être jetées à la mer. Voilà, c'est du Ok. cantonais. Ouais, c'est du Donc coconut, ouais. il faut Ouais, imaginer que les mouettes représentent les journalistes. Le chalutier sûrement Cantona et les journalistes qui sont à l'affût en fait, à l'affût, en attendant la moindre déclaration de sa part quoi, pour gagner ah leur oui, vie, d'accord, ok. leur gagne-pain. Voilà, je l'ai interprété comme ça, mais c'est du Cantona, Ouais, hein, je c'est vois. faux. Bon, à partir de la semaine prochaine, Marco, on va instaurer une nouvelle contrainte. Ce sera la quote de Marco en anglais, mais ce sera la quote scientifique de Marco en anglais. Alors pour être un Attends, il peu y a plus vachement de science scientifique. Ah oui, ben oui, quand même, il y a de la réflexion quand même. là. Ah, mais si vous voulez une cote un peu plus scientifique, alors elle n'est pas forcément plus scientifique, mais bon, j'en ai une sous la main d'Albert Einstein. Voilà, pas forcément en rapport avec le sujet, même pas du tout. Mais je l'aime bien. Et donc elle dit, la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Ok, ouais, Ok, ouais. je la connaissais sous une autre forme en fait de la part d'Einstein. C'est quand il disait qu'on ne règle pas les problèmes avec les mêmes moyens qu'on a mis en œuvre pour les créer. C'est un peu ça finalement, non? Règle pas les problèmes, tu m'as dit, avec. En utilisant les mêmes outils qui ont permis de les créer. Ah oui, je sais. Est-ce que Ouais, c'est. c'est pas Oui, c'est pas exactement en fait. ça. Ouais. Ouais. Ok, bon, bah écoute, à méditer, une quote d'Einstein. T'es sûr qu'elle est d'Einstein? Au moins la Laquelle, celle moitié des quotes de Cantona d'Einstein ou sont pas d'Einstein? d'Einstein. Ah, est-ce que les d'Einstein, je pourrais pas te le garantir parce que Will Smith, il Mais s'arrête t'es sûr que toujours t'as de. pas interverti, Marco? C'est pas plutôt la première est de Einstein et la seconde de Cantona? Si, Non. si, si, en fait, oui, excuse-moi, oui, si, c'est ça. Ok, bon, on va vous laisser méditer sur ces belles paroles. Ah oui, magnifique, ouais. Ouais, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Avec Ouais. plaisir. Ok, D'accord. excellent. Bah, d'ici là, on souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Et puis, petit clin d'œil à Barberousse. À la place du générique de fin, on va écouter autre chose ce soir. Il l'a demandé. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Ciao. À plus, bonne semaine.